Ces murs ont un effet bizarre. On les hait d'abord. Et ensuite, on s'y habitue. Et plus le temps passe, plus on finit par en avoir besoin. C'est ça, être institutionnalisé.